Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, retour sur un artiste culte, un album culte et une chanson problématique. Lemon Incest, issu du non moins frappant Love on the Beach, l'album composé en 84 par Serge Gainsbourg. Côté musique et arrangement, rien à dire. Comme d'habitude, c'est grand luxe, grand, tout court. Mais pointe furieusement Gainsbourg. Inceste, amour filial, simple mise en garde. Lemon fasciné agace. Cette chanson est par ailleurs un marqueur fort de la première partie des années 80. Elle incarne la question des limites, si limite il doit y avoir, mais elle incarne aussi la question de la liberté de l'artiste. Une question reprise 40 ans plus tard par Vanessa Springora en ces termes. Il faut croire que l'artiste appartient à une caste à part, à laquelle nous offrons un mandat de toute puissance, sans autre contrepartie que la production d'une œuvre originale et subversive. Une sorte d'aristocrate, détenteur de privilèges exceptionnels, devant lequel notre jugement, dans un état de sidération aveugle, doit s'effacer. Alors, doit-on s'effacer devant ce majestueux album? D'abord, comment a-t-il été composé? Dans quel but? Dans quel contexte? Et pourrait-il être édité aujourd'hui encore? Lemon Incest ou la question des limites, on en parle aujourd'hui avec notre invité Alex Baupin, auteur-compositeur bien sûr, et il a lui-même repris en 2021 l'album Love on the Beat, version instrumentale. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Sophie Bobert, coordination Christophe Barrère, réalisation Charles de Silia. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Octobre 84, une ligne de basse se déploie, des synthés, des chœurs suaves, un son qui épouse les cris d'une femme et la voix d'un homme comme une transe. Ces sons, ce sont ceux qui surgissent sur les radios de la bande FM et dans les boîtes de nuit parisiennes, au Palace, au Bain-Douche, à l'Élysée Matignon, partout. Le disque passe en boucle et stupéfie, il est tout bonnement fascinant. En cette année 84, la guerre froide bat son plein. L'URSS boycotte les JO de Los Angeles, l'Algérie calque son nouveau code de la famille sur la charia, et à la fin du mois, Indira Gandhi est assassinée par l'un de ses gardes du corps. En France, le gouvernement Fabius prend un tournant, disons, social-libéral, et plonge le pays dans une nouvelle ère, plus moderne, toujours plus marchande, plus cynique aussi. Voilà, c'est dans ce contexte que la jeunesse danse et célèbre cette nouvelle société qui émerge, hybride quelque part entre le jouissons sans entrave et le chacun pour soi. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si en cette même année 84, la toute nouvelle chaîne Canal+, crée le top 50 et le porno du samedi soir. Le premier est un peplum nommé Caligula qui montre les joies de la débauche romaine aux premières années de notre ère. Car il faut sans cesse étonner cette jeunesse qui en demande beaucoup. Elle vit des années d'insouciance. En tout cas, s'il en est un qui pressent ce basculement de société, c'est bien Serge Gainsbourg, l'homme à la voix blasée. Cela fait 20 ans qu'il inonde le marché de ses disques. Jazzy, pop, yéyé, poétique, reggae, tous les styles y passent. Souvent en avance sur la doxa musicale, multicarte, il est un peu le McCartney français. En un mot commençant, un génie. Mais il est aussi un visionnaire qui s'est tapé juste, pile avant les autres. Et comme tous les génies, il a du mal à être compris. Comme toujours, le grand public a besoin d'un peu de temps pour appréhender une œuvre à sa juste valeur. Dans les années 80, en revanche, tout est en place, puisque pour reprendre ses termes, il a retourné sa veste lorsqu'il a compris qu'elle était doublée de vison. Bienvenue donc au tube grand public et à foison. Gainsbourg enchaîne les disques d'or et de platine, truste tous les domaines de la création, il compose pour Chamfort et Bachung, lance un duo avec Deneuve, fait chanter Adjani, crée des publicités célèbres, comme celle de Gini, sans compter les musiques de films. Il se permet même des coups avec sa version jamaïcaine de la Marseillaise. Il va jusqu'à acheter son manuscrit à Drouot, dans une vente restée célèbre, où il apparaît en jean et lunettes noires, désinvolte, tout en faisant monter les enchères. Amour qui coûte cher pour les pièces historiques ou simplement provocation, en tout cas c'est Serge Gainsbourg qui a acquis à la salle des ventes de Versailles hier après-midi le manuscrit original de la Marseillaise, rédigé et signé par Rouget de Lille, bien sûr sous la Restauration. 40 000 francs. En somme, Gainsbourg, l'artiste, se déploie à travers un personnage de showman désormais incontournable, qu'évidemment cette décennie clinquante accueille à bras ouverts. D'ailleurs, n'a-t-il pas déjà fait dès 1981 son entrée au musée Grévin, grimé aux côtés d'Ernest Hemingway, un verre à la main? Et ne s'est-il pas permis, le 11 mars de cette année 84, de brûler son fameux billet de 500 francs dans la très sérieuse émission 7 sur 7? Bref, il se permet tout, Gainsbourg, oui, mais jusqu'où? Fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve. Une chanson sublime qu'il compose en 83 pour Jane Birkin. Un succès et un titre qui dit tout. C'est-à-dire que s'il a vécu une douzaine d'années fabuleuses avec cette jeune anglaise, elle a fini par le quitter pour Jacques Doyon, un cinéaste, disons, plus calme. Car enfin, comment tenir avec un homme dont l'alcoolisme le rapproche de ses ex-fans des 60s, qu'étaient Jim Morrison, Janis Joplin? Comment retenir la dérive de cet homme qui, à 50 ans, dans un dernier sursaut de création ou de nihilisme, qui sait, a décidé de se transformer en Gainsbourg, l'homme aux nuits blanches et aux lunettes noires? Il n'y a qu'à lire les paroles issues de son album « Mauvaise nouvelle des étoiles » paru en 81 pour comprendre son nouveau rôle, celui d'un homme désespéré, reconnaissable à ses coups de cafard et à son cœur percé de part en part. Une souffrance qui s'exprime ici sur Antenne 2 au micro de Christophe de Chavannes. Ça vous fait un peu peur, la souffrance? J'ai l'habitude. I know that. I don't care. Je n'ai rien tiré. J'ai souffert dans ma vie. Eh bien, c'est une motivation pour tous les créateurs, la souffrance. On ne peut pas créer dans le bonheur. Il faut être quelque part un peu suicidaire, j'imagine. Je le suis. Être suicidaire pour créer, certes, mais il n'y a pas que cela. D'après le psychanalyste Michel David, auteur de Serge Gainsbourg, La scène du fantasme, chez Actes Sud en 99, finalement il n'y a qu'un S qui sépare son nouveau personnage de scène Gainsbourg du nom Guimbard, qu'inventa sa mère Olga en 43 sur des faux papiers. Comprenez que leur patronyme d'origine, Gainsbourg, était trop périlleux pour la famille. D'autant que, durant ces années terribles, le physique de l'adolescent concorde avec les clichés véhiculés par la France antisémite. Dès lors, 40 ans plus tard, comment ne pas prendre sa revanche sur cet étrange personnage de Guimbard, à la fois imposteur et amical? Eh bien, en ajoutant S, peut-être. Alors Gainsbourg s'efface et laisse place à un homme qui choque, Gainsbourg donc. Certains, toutefois, ne sont pas dupes de ces débordements, comme le journaliste Sacha Reims, qui écrit dans Le Point. C'est d'autant plus triste que l'on sait que derrière cette affligeante armure, l'homme est tout autre, sensible, pudique, généreux, émouvant. Deux personnages cohabitent en lui, Dr Gainsbourg et Mr Gainsbourg. Il croit que c'est le second que l'on vient voir, il se trompe. Il n'empêche, l'artiste désormais s'enfonce dans l'underground. Il se détourne de la douceur reggae pour proposer un nouvel album très new-yorkais, Love on the Beat, un propre poème pornographique à l'immense succès. Dans la foulée, une série de concerts est organisée et des milliers de fans viennent le voir, amusés par l'affiche qui annonce 140 francs devant, 110 francs derrière, Gainsbourg au Casino de Paris. Réaction. Étonnant, 58 ans, incroyable. Juvénile. Incroyable. Mais on comprend pas tellement ce qu'il dit, c'est dommage. Génial. Très bien. Formidable. Super. Affreux. C'est le type sensible, bien provocateur. De plus en plus mauvais, de plus en plus laid. Mais qu'est-ce qu'on l'aime. Sensationnel. Très bien. Pour 60 balais, il n'est pas mort. Oh non, il n'est pas mort. Il vient même de renaître de ses cendres. témoigne la pochette du disque, l'une des plaies emblématiques de cette décennie qui le montre travesti, cigarette à la main, mi-catin, mi-bourgeoise, photographié par William Klein. Prestige. Voyons le disque maintenant. Qu'a-t-il de si surprenant ? Tout d'abord, il commence par le titre Love on the Beat qui, durant 8 minutes, agit à la manière d'une odyssée orgasmique. Arrivent les autres titres qui tous traduisent l'errance, la confusion des genres et la toute-puissance du plaisir. Il y a par exemple le morceau And the Boy qui évoque l'homosexualité, un morceau inspiré d'une lettre de James Joyce. Puis il revisite le Harley Davidson de Brigitte Bardot, griffé cette fois d'un Son of the Beach. Or, soudain, en point d'orgue, voilà que Gainsbourg nous tend un piège. En exhumant l'étude numéro 3 en mi majeur, opus 10 de Chopin, et en la couplant à des basses façon 1980, ce qui étonne, certes. Mais surtout, il y a le texte, qui flirte ouvertement avec l'inceste. On y entend sa fille Charlotte, 13 ans, la voix frêle, qui chante à ses côtés. Ensemble, ils célèbrent l'amour père-fille. Achevant de rendre ce titre, Lemon Incest, à la limite de l'infréquentable pour les oreilles les plus chastes. Ou les plus averties. On ne sait pas. On trouve le titre limite. Mais alors, comment expliquer une telle réussite ? C'est que l'art, et ce n'est pas un cliché, souvent contient en lui les germes de la transgression. Et Gainsbourg le sait, il en a toujours joué. Le thème de la Lolita irrigue son œuvre depuis des années. Elle devient même la condition sine qua non de la raison. En vrac, citons les sucettes de la jeune France Gall, un texte à double sens mémorable, mais aussi la Lolita Go Home de Jane Birkin, ou encore le prodigieux album Melody Melson qui raconte un amour heurté pour une Anglaise de 14 automnes et 15 étés. Souvent, cet imaginaire se mêle à la littérature classique. Ici, Barbé d'Orgvili, la Huisman ou Lewis Carroll, et surtout Nabokov, dont la Lolita, parue en 55, n'en finit pas de questionner. Mais est-ce que l'écriture de Nabokov infuse dans son imaginaire? Ou l'amour de son anti-héros, Humbert Humbert, pour la jeune Dolores Hayes? Un amour pourtant voué à l'échec? Un amour comme un chemin de croix, mis en scène également au cinéma par le maître, Kubrick? Gainsbourg tombe sous le charme de l'œuvre et n'hésite pas à reprendre les termes de Nabokov lui-même. C'est ainsi que la formule « Ô mon péché, mon âme » devient « Ô mon bébé, mon âme ». Une admiration parfaitement assumée. Il y a un poème sublime de Nabokov, écrit par lui en français. Je pense que c'est ça qui m'a motivé. Le dernier quatrain est celui-ci. Ma voiture épuisée est en piteux état. La dernière étape est la plus dure. Dans l'herbe d'un fossé, je mourrai, Lolita. Et tout le reste est littérature. Tout le reste est littérature, certes. Mais au fait, qu'en dit la loi en 1984 ? Je veux, avec ma langue natale, deviner tes pensées. Et toi, déjà du tang, au flux et reflux des marées. Je vais m'y attarder. café, du overdose, de baise. Voilà. Je m'introduis. Affaires sensibles sur France Inter. Le 4 août 1982, Robert Badinter abaisse la majorité sexuelle, tant pour les hétéros que pour les homos, à 15 ans. Derrière ce signe de modernité grondent des années de militantisme qui poussent les politiques, de gauche comme de droite, à libéraliser la sexualité. Mai 68 est passé par là, bien sûr. Prison, éducation, psychiatrie, tout est remis en question. Dynamité même. L'autorité est jugée rétrograde, insupportable. Et concernant les mineurs, la thèse est la suivante. L'enfant vit sous la domination de ses parents qui inhibent autant sa personnalité que sa sexualité. L'heure est donc venue de le libérer. C'est dans ce contexte que s'épanouit le mouvement pédophile. Pour la presse de gauche, comme Libération, il faut agir. Soutenir la pédophilie devient donc une façon de contrer l'ordre bourgeois. Le journal sert même de poste restant à l'éphémère front de libération des pédophiles, le bien nommé Flip. À chaque fois, Libé est poursuivi en justice. Et à chaque fois, son directeur, Serge Julie, persifle contre l'étroitesse d'esprit présumée des juges. Il va même jusqu'à publier en mai 79 le dessin d'une gamine faisant de « Apprenons l'amour à nos enfants ». Une fois le journal condamné, il réplique en titrant « Libération une nouvelle fois condamnée au tribunal, il est interdit de faire une pipe à son papa ». Ambiance. Le journal Le Monde s'y met aussi. Il engage même l'écrivain pédophile Gabriel Matzneff comme chroniqueur de 77 à 82, qui sera l'initiative d'étranges pétitions. La plus célèbre date du 26 janvier 1977 et agit en faveur de trois hommes mis en détention provisoire après attentat à la pudeur sur mineurs de moins de 15 ans. Nous considérons qu'il y a une disproportion manifeste, d'une part, entre la qualification de crime qui justifie une telle sévérité et la nature des faits reprochés. D'autre part, entre le caractère désuet de la loi et la réalité quotidienne d'une société qui tente à reconnaître chez les enfants et les adolescents une vie sexuelle. Si une fille de 13 ans a droit à la pilule, c'est pour quoi faire ? Les signataires, Louis Aragon, Francis Pons, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Patrick Chéreau, Gilles Deleuze, Félix Gattari, Bernard Kouchner, Jacques Lang, Roland Barthes et j'en passe. La liste est vertigineuse. Tant d'intellectuels peuvent-ils à ce point se tromper ? Eh bien, la France aurait tellement besoin de s'amuser, de tourner le dos aux années grises et corsetées. Et c'est ce passé justement qui est sondé par les chercheurs en vogue. En 1974, le philosophe René Scherrer, professeur émérite à Paris 8, écrit dans son livre « Les mille pervertis » Il faut aider les enfants à satisfaire l'immensité de leurs désirs en dehors des familles et contre elles. Deux ans plus tard, voilà que paraît le livre de Michel Foucault, La volonté de savoir, qui invite à déconstruire ce qu'il appelle le dispositif des sexualités tel qu'il avait été élaboré au XIXe siècle. Et voilà que la psychanalyse à son tour entre en piste. Car enfin, Freud lui-même n'a-t-il pas qualifié les enfants de pervers polymorphes ? Alors qui est malade ? Et qui juge ? À quelle fin ? Et donc qui, in fine, devrait consulter ? Puis Françoise Dolto est conviée à s'exprimer. Bien que rejetant farouchement l'inceste et la pédophilie, elle signe une lettre ouverte appelant une révision du code pénal et une dépénalisation des rapports entre mineurs de moins de 15 ans avec des adultes. Les signataires de la présente lettre considèrent que l'entière liberté des partenaires d'une relation sexuelle est la condition nécessaire et suffisante de la licéité de cette relation. Mais est-on vraiment libre lorsqu'on a moins de 15 ans? Et voilà que Michel Foucault lance cette fameuse phrase. On peut faire confiance à l'enfant pour dire si oui ou non il a subi une violence. Vraiment? Mais quid des mécanismes de l'emprise? Car derrière la liberté d'aimer, il y a bien souvent l'envie de faire plaisir à celui qui accorde ses faveurs. Et c'est là toute la subtilité du terme consentement. Un terme qui n'existe pas en ces années-là. Étrange période où les deux bons tons de Choc et le Bourgeois, même Léo Ferré et Sibet, il chante dans son disque « Petite ». Quand tu es sorti de l'école, tu m'as lancé tes petits yeux doux, puis conclu par « Quand sous ta robe, il n'y aura plus de code pénal ». Et ça passe comme une lettre à la poste. Dans la foulée, l'écrivain Alain Robrier s'enorgueillit d'acheter les clichés érotiques de la petite Eva Ionesco, 5 ans, photographiée par sa propre mère. Et il préface le premier livre de photos de David Hamilton, « Rêve de jeune fille », diffusé dans le monde entier. Ces photos montrent, dans un flou faussement pudique, des adolescentes blondes et alanguies. En 78, c'est au tour de la jeune fille de faire la une du magazine photo, entièrement nue dans une baignoire, maquillée comme une femme, avec l'accord de sa mère, bien sûr, ravie du succès, en dépit des voix qui commencent à s'élever. Des voix qui, immanquablement, provoquent des sarcasmes. Comme ici, en 82, sur le plateau de Bernard Pivot, lorsque Claude Mendit s'oppose au très conservateur Paul Gut. Vous savez que la sexualité d'un gosse, c'est absolument fantastique. Enfin, c'est quand même, il faut être honnête, sérieux, un petit gosse. Moi, j'ai travaillé avec des, avant, les tout-petits, là, les tout-petits, c'est autre chose, mais avec des gosses qui avaient entre 4 et 6 ans. Bah, vous savez, quand une petite fille de 5 ans et demi, commence à vous déshabiller. Oh là, c'est fantastique. C'est fantastique, parce que c'est un jeu absolument érotique. Vous me troublez. Oh mais non, à peine, parce que vous y attendiez. Mais, pas tant que ça. Pas tant que ça. Non, mais et je veux dire que là, on retrouve des choses, on trouve des sentiments, et on comprend que tout ce monde de l'enfance, tel que le décrivent surtout les religieux, les catholiques, hein, parce qu'on en a parlé, ça, c'est vraiment la répression. Derrière la mine ahurie de Paul Gut, les rires. Comme lorsque Gabriel Metzner, encore lui, assure sans complexe que coucher avec un ou une enfant allemand dans l'air du temps. Pivot l'invitera à 5 reprises, lui laissant une tribune pour défendre ses amours illicites. Alors c'est donc votre idée fixe, les moins de 16 ans? C'est une de mes idées fixes, c'est une de mes attaches. C'est un livre en fait sur l'amour. Vous savez, je crois que tout le monde a besoin d'amour. Tous les âges ont besoin d'amour, les vieillards, les adultes, il n'y a pas d'âge privilégié. Mais je pense que les adolescents, les jeunes enfants, disons entre 10 et 16 ans, les moins de 16 ans, sont peut-être à l'âge où les pulsions d'affectivité, les pulsions sexuelles également, sont les plus fortes, parce qu'elles sont les plus neuves. Et je crois que rien ne peut arriver de plus beau et de plus fécond à un adolescent ou une adolescente de vivre un amour, une véritable amour. Avec qui? Soit avec quelqu'un de son âge, fort bien, nous avons tous connu peut-être cela, ou autour de nous, ou dans notre propre vie, avec un enfant, un adolescent de son âge, mais aussi peut-être avec un adulte qui l'aide à se découvrir soi-même, à découvrir la beauté du monde créé, la beauté des choses. Vraiment, il y a là, une beauté et une richesse absolue. C'est dans ce contexte que Serge Gainsbourg lance en toute fin de son album, Love on the Beat, la chanson Lemon Incest. Mais valide-t-elle cette idée de la pédophilie et de l'inceste? On s'interroge. Exquise esquisse, une belle allitération en S d'après certains. Un compliment douteux pour d'autres. Sur à quoi Gainsbourg répond, j'ai une écriture graphique, le mot pour le mot. Le mot véhiculant l'idée et non pas l'idée véhiculant le mot. La collure des mots, la déflagration des collures dont parle Eisenstein à propos du cinéma. Eh bien, si va Lemon Incest, un zeste de citron, jeu de mots admirable et un goût acide sur la langue. Voilà tout. Non, ce serait trop simple. Car quid du refrain chanté par la jeune Charlotte? Une fois de plus, Gainsbourg joue sur le climat ambiant de ces années 80, sauf qu'il ne tombe pas dans le panneau. Il prend son public à rebours. aucun moment, et contrairement aux autres intellectuels de ces années-là, il ne valide le passage à l'acte. Un mot, un seul, révoque cette époque malade. Ce mot, c'est l'adverbe « jamais ». L'amour que nous ne ferons jamais ensemble, chante-t-il. C'est dit dans la chanson, en toutes lettres. Ne reste alors que l'idée, immédiatement auto-censurée. Très bien. Mais alors, où est le problème? D'où vient ce sentiment d'ambiguïté? D'ailleurs, qu'en pense Charlotte elle-même? Un an après la sortie du disque, elle est invitée à s'exprimer au journal d'Antenne 2. Interrogée par Hervé Claude et France Roche, elle y apparaît très intimidée. Alors moi, je voulais vous poser une question, Charlotte Gainsbourg, parce que votre mère, elle chante, elle fait du cinéma, elle fait du théâtre. Votre père, il fait de la musique, il écrit aussi. Alors vous, vous avez envie de vous diriger vers le cinéma? C'est déjà un choix? Ou bien qu'est-ce qui vous intéresse le plus? Je sais pas. Pas encore, vous savez pas? Là, le cinéma, vous aimez bien ça, en tout cas. Je sais pas. Vous savez pas encore. Et quand on chante avec son papa, c'est difficile ou c'est facile? Ni l'un ni l'autre, c'est... J'ai fait ça, c'était... je me suis pas demandé si c'était difficile ou facile. J'ai fait ça pour lui, pour être avec lui. Être avec lui, bien sûr, c'est tentant, surtout si elle ne le voit pas souvent. Parce que la jeune fille vit alors, à sa propre demande d'ailleurs, dans une pension suisse, loin de l'agitation parisienne et des frasques de ses parents. Car dans la famille Gainsbourg, la provocation fait partie de la routine. N'est-elle pas née, Charlotte, quelques semaines seulement après la sortie de l'album Melody Nelson? Aux antipodes de ses parents, la jeune fille est discrète, comme le raconte Jane Birkin en 2018 dans Vanity Fair. Charlotte était une enfant secrète, qui avait envie d'exprimer des sentiments très enfouis, comme des lacs très profonds. La surface est tranquille, et par-dessous, sa turbine, avec des temps. Difficile alors pour la jeune fille d'affronter ce succès, véritable scandale programmé. D'autant qu'un an après, le titre sort en single, accompagné d'un clip. C'est Gainsbourg, bien sûr, qui le réalise, dans une esthétique très années 80. Avec une caméra qui tourne autour d'un grand lit sombre, elle y chante, chemise en jean et culotte blanche, allongée aux côtés de son père, torse nu. Carton rouge? Non, carton tout court. La chanson entre le 27 octobre 87 en quatrième position du top 50 et monte dès le 4 novembre à la deuxième place et s'y installe 14 semaines. C'est un blanc seing. Alors Gainsbourg enchaîne avec un album titré Charlotte Forever et un film au titre éponyme dans lequel lui et sa fille jouent leur propre rôle dans un décor en tout point pareil à leur maison de la rue de Verneuil. Souvenir de Charlotte, 30 ans plus tard, recueilli par Samuel Blumenfeld dans Le Monde. L'absence de barrière qu'il a induit entre moi, la chanson et le film, c'est très compliqué. Il me faisait aller trop loin, faire des choses qui me gênaient, c'était difficile. Je faisais la tête sur les couvertures de journaux, je ne voulais faire aucun effort, c'était ma manière de me préserver. Nous avons vécu ensemble le temps du tournage et c'était compliqué, il était sous en permanence. C'est éprouvant à vivre pour une enfant. En public surtout, c'était difficile. Je me transformais en flic sur le tournage et je guettais tous ces écarts. Ça en est trop, en effet. Et la douceur laisse place au malaise. En août 86, le Figaro Magazine titre « Le Salas, à force Salas ». Avant de développer, depuis 30 ans, le talent de Gainsbourg était lié au goût de la provocation. Pour continuer à choquer, il utilise désormais sa fille avec une ambiguïté délibérée. Hasard du calendrier, symptôme d'une dérive, l'émission Les Dossiers de l'écran diffuse alors un film consacré au ravage de l'inceste en donnant la parole aux victimes. Une première à la télé qui provoque comme un coup de tonnerre dans la société française. Ici, l'avocate Dominique Loquet s'insurge contre le laxisme du code pénal et de la société en général. Le problème, si vous voulez, c'est que sur 10 affaires plaidées, je n'en ai plaidé qu'une devant une cour d'assises. Oui. Et les 9 autres devant un tribunal correctionnel. Et celle qui était devant la cour d'assises était vraiment une affaire très caractérisée. Bon. Alors vous avez l'impression que la justice est assez laxiste? Moi, je trouve, oui. Moi, j'ai vu des pères incestueux ne pas faire un jour de prison. Et je trouve que c'est une banalisation terrible d'un acte terriblement grave. Moi, je ne peux pas admettre qu'un inceste ne soit pas un crime, que ça soit un délit, qu'il soit jugé sur alimentaire non payé et un accident de la circulation. Ça me choque. Peut-être parce que je suis femme, peut-être parce que par mes options féministes, je le ressens d'une manière presque viscérale, mais je trouve ça terriblement choquant. Et c'est un peu, à mon avis, la lacune du code pénal. Et malheureusement, la dernière loi qui est intervenue en 1980 en matière d'agression sexuelle a banalisé, je trouve, l'inceste. L'inceste qui n'existe pas, comme disait M. Leroy dans le code pénal, qui n'est qu'une circonstance aggravante des autres infractions sexuelles. La France, en effet, commence à s'interroger, les féministes à s'insurger. Face aux critiques, Gainsbourg tente de s'expliquer en déclarant « Je hais la facilité, ayant conscience que la mienne est factice, faite de l'approche et de la maîtrise de quelques disciplines et implications directionnelles. Je hais les disciplines, autant que les recteurs et les censeurs. » Certes, c'est là le propre de l'artiste, mais c'est gênant. Parce que la société change. Qui est in, qui est out ? Gainsbourg vieillit et s'enfonce dans ses tourments alors qu'il vient de recevoir la croix d'officier des arts et des lettres des mains de Jack Lang. Cette décoration, dit-il, est la première de ma carrière après l'étoile jaune que je portais en 42. Une fois de plus, les temps et les traumas se télescopent. La fausse polémique artistique. Au Masque et la Plume, sur France Inter, le débat fait rage, comme souvent, et plus que jamais. Et je veux dire que moi, cette espèce d'auto-psychanalyse exhibitionniste d'un monsieur avec sa propre fille, moi là, j'ai eu énormément de mal à avaler ça, et je suis tout à fait désolée, mais j'espère beaucoup que Charlotte, qui par ailleurs est absolument miraculeuse comme elle l'était déjà dans les frontées, a une santé de fer pour ne pas être traumatisée à vie par ce genre d'expérience. Voilà. Bien, je crois que c'est Gainsbourg qui avait dit qu'il mettrait son poing dans la gueule au premier qui prononcerait le mot d'inceste. Alors, vous savez... Je ne l'ai pas prononcé. Oh, non, mais je dis ça à mes camarades. Bon, alors on va faire très attention, mais il n'y a pas lieu de prononcer le mot interdit, puisque justement, le film évite toute relation illicite, dirais-je. Et ceux qui ont l'habitude d'imaginer Gainsbourg comme un être à scandale se rendent compte une fois de plus que c'est un être profondément tendre, pudique, moral, complètement, justement, je ne veux pas dire réactionnaire, mais enfin presque, quoi. Une fois de plus, la France semble divisée. Faudrait-il désormais brider les artistes ? Voilà qu'on commence à parler d'impunité. Or, la provocation artistique n'est-elle pas utile et inséparable de sa condition ? Et puis, pourquoi juger le désir lorsqu'il n'est que désir ? Le 19 décembre 1986, sur France Inter, Jacques Chancel finit par interroger Gainsbourg lui-même. Je suis dans le no man's land de l'inceste. C'est-à-dire, c'est un... Jamais ne franchirai-je la frontière. Mais vous avez peur de temps en temps. Vous dites, et si j'allais ? J'ai un lit de 3 mètres sur 3. Oui. Et pendant les quelques années, Charlotte couchait dans mon lit. Elle met le haut du pyjama et je mets le bas. Eh bien, un jour, j'ai eu le vertige de toucher à cette gamine. Je lui ai touché la nuque. J'ai caressé les cheveux. Alors, elle s'est redressée. Elle dit, papa, je n'ai pas sommeil. Et elle a pris un bouquin de bande dessinée. Elle avait quel âge ? 14 ans. 14 ans. Aujourd'hui, elle ne couche plus dans le lit de papa. De temps à autre, si. Oui. Oui. Et vous n'avez plus de vertige, j'espère. Non, pas de ça. Non, pas de ça. Le vertige suffit, de toute façon. La France pardonne tout à son génie qui décline. Durant ces dernières années, le public le voit alterner entre chefs-d'œuvre admirables et ratage complet. Coup d'éclat artistique et curé médiatique, jusqu'au 2 mars, date de sa disparition qui bouleverse le pays. Preuve en est, ce télégramme post-mortem que François Mitterrand envoie à Bangou, sa dernière. Par son amour de la langue et de son génie musical, il a élevé la chanson au rang d'un art qui témoignera de la sensibilité d'une génération. On ne saurait mieux dire. Une génération dont les enfants bientôt questionneront l'ambiance et les corps intermédiaires. Question auxquelles Charlotte Gainsbourg elle-même répond le 27 février 2021 dans Télérama. Un tel disque ferait-il encore plus de bruit aujourd'hui ? Sûrement. Est-ce qu'il serait encore possible de l'enregistrer? Lui le ferait. Et moi aussi, bien sûr. Il joue avec les mots et les interdits, mais n'était-ce pas sa force? La provocation artistique, je la trouve utile. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, Lemon Incest ou la question des limites, on en parle avec notre invité Alex Baupin. Bonjour. Bonjour. Auteur, chanteur et compositeur, vous avez revisité l'an dernier l'album Love on the Beat. Mmh. Un album enregistré avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France et qui reprend dans l'ordre les 8 chansons de l'album dans une version donc symphonique. Pourquoi avoir jeté ce dévolu sur cet album-là? Parce qu'il n'est pas le plus simple quand même. Bah, peut-être justement parce que c'est pas le plus simple, parce que ça pose des questions qui, moi, m'intéressaient. Les questions de qu'est-ce qu'on peut raconter dans une chanson? Est-ce qu'aujourd'hui encore on peut raconter certaines choses? Moi, ça me posait la question à moi-même de savoir s'il y avait des chansons impossibles dans cet album que j'ai beaucoup aimé, mais sur lequel je m'interroge encore aujourd'hui. Je suis même pas persuadé que c'était, peut-être que dans 10 ans, je trouverais que c'était une très mauvaise idée de reprendre cet album. En tout cas, ça m'intéressait de poser cette question-là, la question effectivement dont vous avez beaucoup parlé de la provocation dans la chanson, la question plus largement artistique de savoir si les œuvres d'art doivent dire la morale ou si elles doivent raconter autre chose. Ça m'intéressait, ça c'est plutôt sur les textes. Et puis, c'est aussi un album un peu méprisé de Gainsbourg parce que c'est la fin de sa carrière. Hein. C'est oui. Les années 80 où Gainsbourg, vous l'avez dit, devient Gainsbar. Généralement, on a tendance à considérer que c'est des chefs-d'œuvre. C'est plutôt Melody Nelson, La Tête de Chou, les années 70. Marilou, La Tête de Chou, voilà. Incroyable. Qui sont des albums extraordinaires, ouais. Mais moi je considère encore aujourd'hui que dans les 2 derniers albums de Gainsbourg, il y a des choses très intéressantes, très novatrices, qu'il invente encore des choses, qu'il n'est pas seulement en train de se répéter constamment, et que ça me tenait à cœur, je ne sais pas si j'ai réussi à le faire, mais ça me faisait plaisir de dire, regardez, écoutez ces chansons, peut-être sous une autre forme, et vous allez entendre que les textes, que ça raconte quelque chose. Et on ne vous a pas dit, on ne te lance pas là-dedans, dans notre époque c'est pas possible, ça va faire une polémique terrible, dont tu ne vas pas sortir Adam? Pas des gens de mon âge. Oui, non, mais par exemple, les amis de mes, les enfants de mes amis qui ont une 20aine d'années, j'ai pu constater, en parlant avec eux, et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut toujours discuter avec des gens intelligents, qu'ils n'ont pas du tout la même image que de Gainsbourg que celle que je pouvais avoir à leur âge. Pour nous, c'était un héros. Mmh. Quand il meurt en 91, Gainsbourg, pour eux, c'est un vieux dégueulasse qui raconte des choses qui sont plus possibles aujourd'hui. Et en plus, j'entends très bien pourquoi. Mais je pense que c'est infiniment plus complexe que ça. Et je pense aussi, puisque vous établissiez le parallèle, évidemment, que c'est pas la même chose qu'un Maznev. Ou que des idéologues libertaires de gauche qui vont signer des pétitions. On parlait de la presse de gauche de l'époque, avec Maznev, pas Gainsbourg. Vous le précisez d'ailleurs, que lui n'a jamais signé ses pétitions, etc. Je crois que ce qui est justement intéressant chez Gainsbourg, c'est qu'il flirte avec les limites, mais ça reste, on a entendu le mot plusieurs fois, mais pour lui c'est vrai, une personnalité profondément morale. Voire réactionnaire, voire de droite, à certains endroits. Il y a une chanson où il parle des dealers, genre... Aux enfants de la chance, qui est de son dernier album, ou qui est une chanson presque un peu bébête. Il n'est pas permissif, il n'est pas permissif. Non seulement il ne l'est absolument pas, mais dans tout, il y a quelques grands thèmes chez Gainsbourg qui sont des thèmes provocants, vous le dites, il flirte avec le vertige de l'inceste, mais il y a aussi évidemment la figure de la Lolita. Gainsbourg, la Lolita, il l'envisage comme l'envisage Nabokov quand il écrit Lolita. On a souvent reproché à Nabokov de créer un personnage de fantasme pour des vieux messieurs. Nabokov, il a toujours dit, mais attention, c'est pas Lolita qui est important dans Lolita, c'est Humbert Humbert qui est un sale type. Moi, j'écris un roman sur l'histoire d'un sale type. Et je crois que Gainsbourg, c'est pareil, quand il fait Melody Nelson ou L'homme à tête de chou, ce qui l'intéresse, c'est pas tellement la nymphette, c'est pas tellement l'excitation qu'elle peut proposer. Non, c'est ce sale type, ce anti-héros dont il s'empare et qu'il incarne, qui est pas forcément lui déjà, mais en plus il y a quelque chose de profondément moral dans l'idée de dire je vais vous raconter l'histoire d'un sale type. Et pas je vais vous raconter quelque chose qui va vous exciter. Ouais, ou d'une jeune fille déviante, c'est le sale type, c'est pas la gamine. Voilà, c'est chez Gainsbourg il y a toujours cette idée, c'est que c'est chez le sale type qu'il y a un problème. C'est pas la gamine qui a un problème. Et je crois que, et il l'a dit à plusieurs reprises en parlant de Lolita, en parlant de ses albums, il a constamment dit aussi qu'il était dans la fiction. Quand Gainsbourg, certaines chansons, il le dit, il le précise, on l'entend parler de son rapport avec Charlotte et de l'inceste dans l'extrait que vous avez passé. Jamais, voilà. Jamais ça, jamais avec des gamines, jamais avec ma fille. Et en ce sens, c'est plus intéressant, à mon avis, et plus moral, qu'un Maznev qui fait de l'autofiction. Chez Gainsbourg, on est dans la fiction, en fait. Absolument. Absolument. Alors, il y a les années 80 surtout. Il y a un contexte. C'est quoi votre regard sur ces années? Vous étiez bien jeune. Mais bon, vous pouvez avoir un regard rétrospectif aussi. Ah non, mais j'en ai un parce que j'étais jeune, mais je les ai quand même un peu vécu. Moi, j'ai 10 ans en 84 quand l'album y sort. Donc, à 10 ans, oui, on remarque les chansons. Oui. On les remarque, on les entend. Moi, je crois que c'est peut-être dans des colonies de vacances que des colons plus âgés écoutent cet album Gainsbourg Love on the Beat. Moi, je me rappelle que le premier choc, c'était la pochette. Cette pochette où il est travesti. Moi qui étais très naïf à l'époque, voyais une espèce de femme un peu étrange, mais je comprenais pas que c'était Gainsbourg, j'ai compris des années plus tard que c'était lui. Et je sentais bien, j'étais très choqué par Gainsbourg quand il passait à la télévision, évidemment. J'étais un garçon très sage, très timide, et donc cette attitude, le type mal rasé qui dit des gros mots, parfois en direct, parfois dans ses chansons, Harley Davidson of a Beach, et dis donc David fils de pute, tout ça, ça me choquait, et en même temps je sentais qu'il y avait quelque chose de profondément... interdit, donc fatalement de profondément intéressant là-dedans. C'est des choses qui infusent. Et la première chanson, quand elle sort en 85, là j'ai 11 ans, je vais rentrer au collège, que j'entends et que j'aime, c'est j'entre dans l'univers de Gainsbourg. D'accord. Peut-être parce que c'est aussi une adolescente de presque mon âge qui la chante et que ça m'intéresse. Bien sûr. Ben oui, évidemment. Et ces années 80, elles sont porteuses. Alors, elles sont intéressantes, les années 80, et à travers Love on the Beat, on peut en parler un peu. Parce qu'elles sont paradoxales, elles véhiculent l'idée de liberté, d'insouciance, et en même temps, c'est une société assez vulgaire. Cynique. Et cynique. Vulgaire, et même vulgaire, parce qu'elle est très marchande, routinante. Mais d'ailleurs, Gainsbourg, il y a tout ça dans Love on the Beat. La musique peut pas... Moi, lui le disait lui-même, des fois j'écoute cet album, je pense que c'est génial, et des fois je pense que c'est de la merde. Eh ben, il y a dans la musique de Love on the Beat quelque chose dans cette façon d'être très clinquant, très rutilant, très chromé, avec ces réverbérations très années 80. Il y a quelque chose de presque pornographique dans ce truc-là. Ça coïncide avec l'arrivée de Canal+, avec l'arrivée l'arrivée d'une société qui du fric, de la publicité, du slogan et... T'es le palace, quoi. Bah ouais, Gainsbourg, effectivement, c'est à ce moment-là que ça fonctionne, parce qu'il est comme un poisson dans l'eau dans ce truc-là. Après, on a toujours considéré qu'il avait changé pour... Moi, je pense que Gainsbourg a toujours été comme ça, a toujours été un moraliste, mais aussi, comme souvent les moralistes, un cynique. Et puis, c'est peut-être un des premiers punks, et c'est pour ça qu'il est à l'aise dans ces années, à partir de 77. C'est vraiment le monde s'ouvre à lui, quoi, parce que ces années-là, c'est ça, et ça correspond à son éthique, parce que derrière tout ça, il y a une éthique, je pense, quand même. Et puis un génie musical quand même. Penchons-nous un peu sur son sur son art, puisque vous êtes adossé à son art avec ce disque-là. Or, je disais, c'est un peu le McCartney français, celui qui sait tout faire, le génie. Les arrangements sont sublimes, comme chez Paul d'ailleurs. Ça, c'est vous avez le même regard, j'imagine, sur Gainsbourg. Ouais, ce qui est intéressant chez Gainsbourg, alors Paul McCartney, c'est de la, c'est génial, hein, c'est de la pop anglaise. Mmh. Ce qui est intéressant chez Gainsbourg, c'est que profondément musicalement, c'est un type du 19e. Dont les harmonies viennent de Chopin, oui, bien, sûr, évidemment. Oui, bien sûr, et que ce qui l'a intéressé toute sa vie, c'est de confronter ces harmonies du 19e, cette musique du 19e, à la pop anglaise, au reggae, à la funk new-yorkaise des années 80, et c'est cette collusion, cet accident de deux choses qui se rencontrent, qui en font des chansons absolument uniques, en fait, à mon sens. C'est pas du, quand il va voir des mecs de funk, généralement, il travaille sur des harmonies de rhythm and blues. Lui, c'est pas ça qui l'intéresse, c'est de dire, on va mettre du Chopin, puis on va voir ce qu'ils en font. Et ça, c'est ce qui m'a toujours intéressé chez Gainsbourg. Ouais, ce syncrétisme-là, et je parlais des Beatles parce que c'était ça aussi, hein. Ils ont fait un syncrétisme incroyable, musique orientale avec musique évidemment, pop avec Bach. Occidentale, et Bach avec, avec Yesterday, évidemment. Alex Baupin, on va vous écouter quand même. Ah bon, d'accord. Ah, bah oui, Sorry Angel. Si vous insistez. On y va? Allez, j'insiste. C'est moi qui t'ai suicidé, mon amour. Je n'en valais pas la peine, tu sais. Sans moi, tu as décidé, à beau jour, décidé que tu t'en allais. Le conte avait commencé à rebours. Était-ce vertige des veines, qui sait? Un voyage, un seul aller au long cours, d'où l'on ne revient jamais. Moi, j'aurais tout essayé, mon amour. C'était vraiment pas la peine, je sais. Que c'était foutu d'avance, mon amour. Je n'ai ni remords, ni regrets. C'est moi qui t'ai suicidé, mon amour. Moi qui t'ai ouvert les veines, je sais. Maintenant, tu es avec les anges, pour toujours. Pour toujours et à jamais. Sorry, sorry, so. Sorry, sorry, so. C'est moi qui t'ai suicidé, mon amour. Moi qui t'ai ouvert les veines, je sais. Maintenant tu es avec les anges pour toujours. Pour toujours et à jamais. France Inter, Affaires sensibles. Les Manassestes par Alex Baupin. Ça a été enregistré, je le rappelle, ici, dans cette noble maison, Alex Baupin. J'en ai joué une version avec le Philharmonique de Radio France, avec les cordes du Philharmonique de Radio France, effectivement. Alors, je vais vous poser une question de confiance. Ah. Là, vous reprenez des chansons de Gainsbourg, les paroles sont écrites par Gainsbourg, donc vous avez de ce point de vue-là une irresponsabilité, vous êtes tranquille. Vous pouvez chanter, quand même. Voilà, vous pouvez chanter. Non, mais je parle des paroles. Est-ce que, si vous avez eu cette idée maintenant, admettons que vous ayez cette idée de faire un disque autour de ces thèmes-là, aujourd'hui, vous le sortiriez ou pas? Je sais pas. Non, c'est une bonne question. Peut-être que, alors, peut-être que j'ai moins de difficulté à le faire là, à reprendre les mots de Gainsbourg, parce qu'effectivement, je suis partiellement irresponsable, même si je suis obligé de les assumer comme j'en deviens interprète. Oui. J'espère que oui. Toute la question, c'est de savoir à partir du quel moment on écrit des choses parce qu'on en fait l'apologie, vous comprenez bien ce que je veux dire, ou parce que... Il s'agit ni de dénoncer les choses, ni d'en faire l'apologie, mais parfois, quand on fait un livre, un disque, un roman, j'ai l'impression qu'il y a des choses qu'on a envie de raconter parce qu'elles font partie de qui on est comme être humain. C'est Salaud, les 120 journées de Sodome, c'est American Psycho de Bret Easton Ellis, c'est peut-être Love on the Beat de Serge Gainsbourg. Et moi, ces œuvres, elles m'intéressent parce qu'elles vont interroger des penchants un peu sombres, un peu... Voilà. Donc... J'espère que je le ferai. Après, je me rends bien compte que je suis pas le même chanteur ou le même personnage que Serge Gainsbourg. Je suis un garçon naturellement plus doux, peut-être moins torturé, plus timide. Et donc, je vais pas non plus... moi, j'aurais du mal à travestir qui je suis pour écrire des chansons. Donc, quand je reprends Serge Gainsbourg, ça va bien. Je peux me permettre ces choses-là. Et puis même, ça m'amuse d'être dans ce côté un petit peu, vous voyez, mec dangereux, quoi. Mais pour, ce qui est de moi, je suis obligé de faire avec ce que je suis. Et là, je me rends compte que je suis moins, sans doute moins dangereux que Serge Gainsbourg. Quel est votre regard sur les années d'aujourd'hui, nos années, alors que certains considèrent comme moralistes, d'autres comme morales, hein, tout simplement. C'est quoi votre regard sur la notion de liberté, justement, de ces années-là, adossée à l'art, hein, je vous pose pas la question globalement. Regard, c'est celui de quelqu'un qui aimerait bien qu'on retrouve parfois un peu le sens de la nuance et du débat. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de débattre de ces questions-là. C'est ce qui m'intéressait quand j'ai sorti l'album, j'ai parlé avec quelques personnes, parce que j'avais fait un podcast où on parlait de ces questions-là, par exemple, à l'occasion de la sortie de l'album. Et ça m'intéressait de confronter mon regard de type de 47 ans au regard d'une jeune fille de 26 ans qui est féministe, par exemple. Mon regard sur tout ça, c'est que parfois, on a peut-être tendance à un peu tout mélanger. Il y a des gens qui, au nom d'une certaine radicalité, disent que si on veut faire avancer les choses, on est obligé de passer par une période... Bah, c'est Robespierre, hein, vous savez ce que c'est. Il faut bien en passer par la terreur pour que les choses avancent. Mais en même temps, cette période de la terreur, on n'a pas tellement envie de la vivre. Non, mais assez simplement, je pense que quand même, on est capable de faire la différence, par exemple, pour être un peu bête, entre un Mazeneff et un Gainsbourg. C'est-à-dire de faire la différence entre quelqu'un... la ligne qu'il existe entre la vie privée et puis ce qu'on écrit dans des romans ou dans des disques, quoi. Moi, je crois que profondément, la vraie ligne à tracer, elle est là, quoi. À partir de quel moment on est un personnage atroce dans sa vie privée et on s'en sert pour écrire des chansons, ou à partir de quel moment on peut raconter des atrocités dans des chansons, en gros, si on se comporte bien par ailleurs. Enfin, moi, il me semble que ça peut sembler un peu simpliste, mais non, si... Non, pas du tout. Si on pouvait... Alors après, il y a la question de savoir si en racontant des atrocités dans des chansons, on va pas faire la promotion de ces choses-là. Mais enfin, je pense qu'il faut demander, enfin, faire grâce au public d'une certaine intelligence, moi, je crois. Il y a toute cette question-là. C'est que si les chansons deviennent des tracts pour raconter des choses que personnellement, mais vraiment, politiquement, je trouve très jolie et très importante, hein. Voilà, les acceptations de l'autre, l'antiracisme, etc. C'est formidable, vraiment, j'adhère à 100% à toutes ces idées. Je crois pas que ce soit la place des chansons, sinon on va beaucoup s'ennuyer, à mon avis. Ce sera le dernier mot, Alex Baupin. Merci en tout cas de votre venue. Ben, merci à vous. Au revoir. Au revoir. Et Affaires Sensibles aujourd'hui, Lemon Incest, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique, il y avait Mathieu Bérény.